Cartel Records. Oui. SL Gang Bang. J'ai retourné ta flamme et appelle-moi la stature. J'encule la facture et l'ossature. Il faut que je pédale, pas beau que mon cerveau stature. Allo la terre ici Saturne, bientôt va t'en Saturne. Négro boucle là comme ta ceinture et tire sur la jointure. Moi je me roule à joie pure. Le centre nos ennemis sur les murs, c'est moins cher que la peinture. Si à la diète, à l'eau plate et aux peintures. Laisse le corps du rap français en pâture. Image de c'est dans le plafond de la voiture. Jeune et immature, gâté par la nature. Mais du shit ou couper la pure. Les créatures me prennent en filature. J'suis trop loin, j'vois la terre en miniature. Le diable attend toujours ma signature.